suis sociologue. J'ai travaillé sur la façon dont des salariés de différents secteurs envisageaient et percevaient les différents risques psychosociaux, que ce soit la fatigue, le stress, la souffrance notamment. Et ces secteurs, ce sont principalement, alors dans ma thèse, j'avais comparé le travail en usine d'ouvrière avec le travail d'infirmière hospitalière. Je travaillais beaucoup sur l'hôpital, en continuité de ma thèse, puis sur les transports publics, sur la police. Et plus récemment sur les diplomates et encore plus récemment une recherche plus petite sur les milieux associatifs dans le monde de la culture et des spectacles. Donc je vais à l'occasion évoquer ces différents terrains, mais ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est ma démarche, une démarche que je qualifie de constructiviste pour m'inscrire dans tout cet ensemble de courants de recherche en sociologie qui part de l'idée que la réalité sociale n'est pas donnée a priori, mais émerge au fur et à mesure des interactions et des relations sociales entre les acteurs. Alors, pour rentrer tout de suite dans cette question, j'ai voulu reprendre une citation d'un cours de Durkheim, donc Durkheim, un des fondateurs de la sociologie française, qui, pourtant, bien qu'objectiviste, hein, on connaît tous sa citation, il faut traiter les faits sociaux comme des choses, avait largement, et notamment il l'a fait à propos de l'histoire des catégories avec son travail sur les religions. Souligner le lien entre la façon dont on perçoit des phénomènes et la façon dont on les catégorise, dont on les nomme, dont on les classe, y compris pour la souffrance. Et donc j'ai voulu partir de cette définition, cette citation pardon, de Durkheim pour souligner à quel point les sociologues s'intéressent à ce lien entre les mots, MAUX, et les mots qu'on peut utiliser pour les décrire et les mettre en forme. Alors, cette citation, elle introduit un petit peu ma démarche, en ce sens que elle pose que la souffrance va être mise en forme socialement, mais ce qui n'est en rien une négation du fait que les gens souffrent ou sont en difficulté. Hein. C'est ce que Durkheim dit quand il dit « Certes, quand nous souffrons, c'est un fait que nous souffrons. Il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit de choses imaginaires dans la tête des personnes et qu'une approche constructiviste serait là pour, en quelque sorte, délégitimer la plainte ou la dévaloriser, ou la rabaisser, ou remettre en cause les plaintes ou les revendications des personnes qui sont concernées. Alors, les mots qu'on utilise dans ce domaine-là sont des mots qui ne sont jamais neutres, et chacun de ces termes est porteur d'une histoire de façon de concevoir le problème, de le replacer dans un ensemble de causalités ou de significations différentes. Le mot même souffrance, qui est utilisé dans l'intitulé du geste, est un mot qui, pour certains, peut sembler parfois un peu connoté. Je me souviens d'une rencontre de médecins du travail. Dans une structure qui était avec beaucoup de médecins inter-entreprises, et un de leurs collègues fait un exposé sur la souffrance au travail, et cet exposé suscite tout de suite un certain nombre de réactions presque outrées ou indignées. Utiliser le terme de souffrance, c'était pour les médecins dans la salle qui chuchotent, faire du misérabilisme ou être dans une posture contestataire qui serait, à leurs yeux, non productive pour faire avancer le débat social autour de la santé au travail. À l'inverse, un peu plus tard, dans un autre colloque, un intervenant fait son exposé et utilise le terme de stress, et là, devant des sociologues et des politistes, et là, c'est le terme de stress qui va soulever un petit peu l'agacement de l'auditoire, qui estime que parler de stress, avoir une approche gestionnaire, derrière le mot stress, il y a gestion du stress, l'idée que c'est l'individu qui doit s'adapter, et non pas les conditions de travail et l'organisation qui doivent être modifiées. Donc les mots, les termes sont porteurs de signification, d'enjeux aussi, on le voit. Est-ce que ce sont les conditions de travail? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est l'individu? Et ces enjeux sont tout à fait concrets. Un sondage IFOP publié en 2008, qui avait été mené auprès de 1 000 salariés et de 600 directeurs de ressources humaines, illustrait très bien cette idée-là, puisque les salariés citaient comme source des atteintes à la santé mentale dans leur travail, le manque de reconnaissance, l'augmentation de la charge de travail, la multiplication des contraintes dans le travail, l'inquiétude sur l'avenir professionnel et la baisse de solidarité entre les équipes. Un ensemble de causes qui est arrivé à peu près à égalité dans la perception qu'ils avaient de leur souffrance au travail. Par contre, les 600 DRH, eux, très très massivement et très loin devant toutes les autres causes proposées dans le questionnaire, mettaient les problèmes dans la vie personnelle. Donc on voit qu'il y a un enjeu d'éloigner en quelque sorte l'organisation du travail, les conditions de travail, ou au contraire les mettre en cause, les impliquer.